Chapitre 8e. Des yeux vigilants devaient sans doute épier tout ce qui se passait aux alentours de l'ambassade allemande, car Lord Stamford vit toutes les portes s'ouvrir devant lui sans qu'il eût besoin de dire un mot. Un valet galonné l'introduisit dans le même petit bureau que la veille. Le major Culbar s'y trouvait seul. « Déjà de retour, mon cher Lord ?» demanda-t-il d'un air aimable. « Et vous avez réussi ?»« Oui, puisque je suis ici, » fit Stamford, qui étala sa serviette sur le bureau et retira d'énormes liasses de titres, ou plutôt de moitié de titres. Car toutes les actions par obligation étaient coupées longitudinalement en deux. « Voilà l'affaire, » continua Stamford. « J'ai pu récupérer les titres volés par Don Raphaël de Ulloa au Sir Samuel de son vrai nom Julius Volker. » Les voilà. Ils y sont tous, depuis les actions du canal de Suez jusqu'aux parts de dividendes des aciéries de Pittsburgh et des Alleghanies. En entendant prononcer le nom de Volker, Culbar avait légèrement tressailli et lancé au noble lord un de ses regards qui n'ont rien d'amical. Il ne dit pas un mot cependant, et de ses grosses mains velues happa les précieux papiers. Mais, grogna-t-il aussitôt, il n'y a que la moitié des titres. Naturellement, cher major, l'autre. Les moitiés sont en ma possession. M'auriez-vous pris pour un imbécile, parfois? Je ne suis pas un Allemand pour travailler pour le roi de Prusse. Vous m'avez versé hier 100 000 $ pour récupérer les titres, c'est fait. Et je vous en remets la moitié. Si vous voulez l'autre, il ne vous reste qu'à me verser 400 000 autres $, voilà. La fureur, la rage de Culbar furent si fortes qu'il resta plusieurs longues secondes avant de pouvoir prononcer un mot. Un moment, Stamford craignit de le voir tomber d'une attaque d'apoplexie foudroyante. Le major parvint pourtant à dominer son emportement et d'une voix rauque articula « Les titres sont à nous, vous êtes un voleur !»« Vous appelez voleurs ceux qui s'emparent de ce qui ne leur appartient pas, sans doute. »« Il me semble que c'est là le sens des paroles que vous voulez bien m'adresser. »« Je vous ferai observer que ces titres ont été volés en Belgique et en France par l'armée allemande. »« Vous voyez, je suis bien renseigné. » »« Et Julius Volker avait été chargé de les apporter ici pour les négocier. »« Oh !» Je sais tout. Je sais même que les propriétaires ne feront pas opposition car ils ont été assassinés. Il y a là pour 700 000 $ de titres. Vous m'en avez déjà versé 100 000, plus 500 000 que vous allez me verser, cela fera 600 000. Soit 100 000 $ de bénéfice pour vous. Je suis encore gentil. Maintenant, il se peut que vous n'acceptiez pas. Dans ce cas, je garde les moitiés de titres qui sont entre mes mains comme souvenir. Je ne tiens pas à l'argent, moi. Il serait trop long de décrire toutes les expressions que prit la physionomie du major Culbar. La haine, le dépit, la rage, l'avarice, la soif de sang, tordirent tour à tour ses traits et lui donnèrent un aspect hideux. Il réussit enfin à le rendre calme relatif et, en vrai allemand, voulut discuter. « Écoutez, souffla-t-il, je vais vous verser encore 100 000 $ dès que vous m'aurez rendu nos titres. » Lord Launceston Stamford tira le splendide chronomètre de platine enfoui dans son gousset. « Je vous donne donc 5 minutes pour réfléchir, major, » dit-il très posément. « Ce délai passé, je m'en vais, si vous ne m'avez pas remis un chèque de 500 000 $, et les journaux sauront l'affaire. »« Vous avez dit 400 000. »« Vous aurez mal entendu, c'est 500 000. »« Et lorsque j'aurai dû m'encaisser cette somme, je vous ferai parvenir le produit de votre vol. »« N'ayez aucune crainte, je tiens ma parole, moi. Je ne suis pas le chancelier de votre pays. »« Et une autre fois, inutile de me faire suivre, c'est du temps perdu. » Culbar ne répondit pas. D'un pas titubant, il passa dans la pièce voisine pour téléphoner hors de la présence de Stamford. Plus d'un quart d'heure s'était écoulé lorsqu'il réapparut. Il tenait en main un chèque sur une banque allemande à New York, un chèque de 500 000 $ qu'il remit à Stamford sans prononcer un mot. Le noble lord s'en saisit, l'examine avec attention et conclut. « Si ce chèque est dûment payé à présentation, vous aurez vos titres au complet avant midi. Un de ces jours, major, nous sommes gens de revue. » Une dizaine de jours plus tard, deux hommes se présentaient au cabinet de l'attorney général à New York. Leur carte, qu'ils remirent à l'huissier, portait les noms de Herr von Drückhol, conseiller à l'ambassade allemande, et de Raphaël de Ulloa, diplomate chilien. Dès qu'ils eurent été introduits devant le haut magistrat, Don Raphaël de Ulloa prit la parole. « Je suis ici, » dit-il d'une voix sourde, pour éclaircir l'énigme de la cabine 29. « L'assassin de Samuel Veit, c'est moi. » Ayant contracté d'énormes dettes durant mon séjour à la légation chilienne de Berlin, j'en fus réduit pour m'acquitter à entrer dans le service d'espionnage allemand. C'est ainsi que je fus désigné pour escorter Julius Volker, qui apportait à New York 700 000 dollars de titres volés par l'armée allemande. Julius Volker, qui voyageait sous le nom de Samuel Veit, citoyen américain, et moi prîmes passage à bord du paquebot suédois König Harald. À bord du même navire s'embarqua un attaché à la légation allemande de Mexico, le baron von Thundersmark, lequel, pour éviter d'être pris au passage par les Anglais, devint le cuisinier Teublich. En cours de voyage, Julius Volker, dans le but, sans doute, de se débarrasser de Teublich, fit cacher son propre portefeuille dans la couchette du faux cuisinier. Mais au dernier moment, il prit peur et déclara que le portefeuille n'était pas à lui. La suite, c'est que Teublich me proposa de tuer Volker. Car depuis le départ, Teublich, ainsi qu'il me l'avoua, avait formé le projet d'assassiner Volker pour s'emparer des titres et fuir avec au Mexique. Maintenant, il ne le pouvait plus étant surveillé. Il me tenta en m'affirmant que l'affaire était facile et sans danger. Nous devions ensuite partager les titres emportés par lui et qui étaient cachés dans une ceinture de sauvetage truquée. Hélas, j'avais encore des dettes, j'acceptais. Je poignardais Volker et m'emparais des titres. À New York, je pus débarquer sans être soupçonné et, sur les conseils de Teublich, allais me cacher dans la blanchisserie allemande de Hoboken. Mais ce misérable Teublich, dans le but de tout garder pour lui, fit délivrer Lord Stamford que tout le monde croyait coupable. Lord Stamford, grâce aux indications de Teublich, vint me chercher dans ma cachette, m'attira dans un guet-apens et s'empara des titres. Je pus enfin m'évader et à la gare de Camden et rencontrer Herr von Rückel, qui a bien voulu m'accompagner ici. Faites de moi ce que vous voudrez, j'avoue tout. Je renonce même à mon immunité diplomatique. Tout ce que je demande, c'est qu'on me confronte avec Teublich. Et moi, monsieur Latournay, fit von Rückel, je demande votre indulgence pour monsieur de Hulloa. Il ne m'avait pas indiqué le véritable objet de sa visite ici. Sans cela, je ne l'aurais pas accompagné. Et Rückel, après un profond salut, sortit très dignement. Les déclarations du Chilien furent reconnues conformes à la vérité. Les empreintes laissées sur le manche du couteau trouvé dans la cabine 29 étaient bien les siennes. Ainsi, Lord Stamford était innocent. Mais la justice le rechercha en vain. Lord Stamford ? Mais il n'y en avait jamais eu, ainsi qu'on peut s'en rendre compte en consultant le livre de la pairie anglaise. Mais il y avait un John Strobbins. Embarqué à bord du König Harald après un voyage d'agrément en Suède, il avait surpris les relations bizarres existant entre Samuel Veit, passager de première classe, et Teublich, simple cuisinier. Il avait épié les deux boches et avait entendu parler de titres, mais il n'avait pu savoir où il se trouvait. C'était lui qui avait volé le portefeuille de Samuel Veit et l'avait caché sous la paillasse de Teublich, après en avoir, comme de juste, enlevé les papiers. Ces papiers, d'ailleurs, ne lui avaient pas fait reconnaître ce qu'il cherchait, c'est-à-dire l'emplacement de la cachette des titres. Mais le hasard devait le favoriser. La veille de l'arrivée à New York, Stamford Strobbins, qui avait perdu 1000 dollars au jeu contre Veit, qui trichait comme un vrai boche, Strobbins donc, avait voulu régler aussitôt sa dette. Mais comme il allait pénétrer dans la cabine 29, il avait entendu un bruit de voix. Veit se disputait avec M. de Hulloa. John Strobbins avait perçu un cri rauque et immédiatement après, la porte s'était ouverte et un homme portant un gros paquet était passé en courant devant lui. L'homme, c'était M. de Hulloa. John Strobbins avait le temps de le reconnaître. Il était alors entré dans la cabine et avait vu Samuel Veit baignant dans son sang. « Il va se cacher à la German Laundry, Hoboken. Il est d'accord avec Teublich. Il... » avait pu balbutier Veit avant de perdre l'essence. John Strobbins, sans insister, était sorti aussitôt, ne se doutant pas qu'il allait être vu par le garçon Hobson. John Strobbins, emprisonné, avait réussi à faire savoir à l'ambassade allemande qu'il était au courant de toute l'affaire et avait exigé qu'on le fît évader, moyennant quoi il se chargeait de retrouver les titres volés. Sinon, il mettrait la justice au courant de tout. Les Bosch, qui à cette époque avaient de nombreux affiliés dans toutes les administrations américaines, avaient 3 jours plus tard délivré le prisonnier. John Strobbins, grâce à ses affiliés, savait que M. de Hulloa était toujours à la blanchisserie de Hoboken. Il n'avait pas eu de peine à l'en faire sortir en disant qu'il venait de la part de Teublich. On sait la suite. M. de Hulloa, à peine son épaule remise, avait voulu s'évader. Sur un ordre de John Strobbins, son évasion avait été ridiculement facile. Et comme par hasard, le diplomate chilien avait rencontré sur la route de Camden un attaché du consulat allemand qui lui avait fourni les moyens de regagner New York. Cet attaché au consulat allemand, c'était John Strobbins, qui s'était donné le plaisir d'inciter le Chilien à se dénoncer lui-même et à l'entendre énoncer sa propre dénonciation. Don Rafael de Ulloa bénéficia des circonstances atténuantes. Il s'en tira avec 20 ans de servitude pénale. Quant à Teublich, pour lui conserver son nom de cuisinier, il parvint à fuir au Mexique. Et le jour qui suivit la condamnation du diplomate chilien, un chèque de 600 000 dollars parvint au comité de la Croix-Rouge alliée. Il n'était accompagné d'aucun papier. Pourtant, il fut payé à présentation, un anonyme étant venu la veille verser les fonds nécessaires à la banque. Et nul ne sut jamais d'où venait l'argent. Ainsi s'achève l'énigme de la cabine 29, une aventure de John Strobbins, détective cambrioleur, par José Moselli.